89,3 FM. François Lusignan au micro, bienvenue à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, une émission Le Terminus qui est dédiée au rock indépendant. Et ce soir au menu, ce que j'ai pour vous, il va y avoir une nouvelle chanson de The Man, aussi également musique de Afterglow, aussi nouveau projet qui s'appelle John Ward's Electric Séance. Mais on va débuter en fait avec deux autres nouveautés. Toute nouvelle, donc vous allez entendre dans les prochaines minutes le nouveau Window Speak, mais tout d'abord en provenance de Reykjavik en Islande, la formation Oyama, qui vient de lancer sur le site Gogoyoko, un site également islandais, son premier album qui s'appelle I Wanna, qui est vraiment très très bon, je vous le conseille. On va entendre donc leur chanson Sometimes du groupe Oyama à l'émission Le Terminus. I'm good. un bon film d'Alec et les petits pénis, le projet de Alex Duprat et qui a changé de nom au fil du temps. Il s'appelle maintenant Alec et les mauvaises raisons. Probablement parce qu'il voulait que les gens arrêtent de se poser des questions inutiles au sujet de lui et de son projet. Et malgré tout ça, en fait, donc depuis 2003, Alec Duprat fonctionne avec ce projet-là qui donne, ma foi, du bon rock, indie rock en français, avec un son assez particulier. Et c'était précédé de Windowspeak avec Died in the Wool, et c'est extrait de leur tout nouvel album qui est sorti, je pense, il y a une semaine ou deux, qui s'appelle Almana et qui est sorti sur l'étiquette de Brooklyn, Captured Tracks. On va poursuivre avec trois autres chansons. On va commencer ça avec The Snowy Owls, les hiboux de neige, Arfard des neiges, ça doit être ça. Leur chanson Fortunate Eyes, tout ça sur les ondes de CISM. We gotta break this. un groupe de Los Angeles, Afterglow, et la chanson I Bet You, qui se retrouve sur Anatomy of Elegy. Anatomy of an Elegy, voilà. Et ça vient de sortir sur cassette et en ligne sur Bandcamp. Et avant Afterglow, c'était le duo Shallow et la chanson All Right. On va continuer en français avec un groupe d'ici qui est supposé nous sortir du nouveau matériel depuis un an. En fait, ça fait un an que leur deuxième album est supposé avoir été terminé d'être composé. La dernière fois qu'on a entendu parler d'eux, c'était en avril 2012 pour un spectacle au Divan Orange. Donc, depuis ce temps-là, plus de nouvelles d'El Motor. Donc, on va entendre leur premier album qui est sorti en 2007, album du même nom, El Motor. On va entendre tout de suite la chanson Dea del Deso à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Baked avec Vieux Renard, trop souvent piégé, qui se retrouve sur La Prochaine Fois le Feu, un EP qui est sorti l'année dernière et qui est disponible sur Bandcamp. Et c'était précédé d'un autre groupe local. Cette fois-ci, c'était même une exclusivité à l'émission ici. Un groupe qui est vraiment à ses tout débuts. Il s'appelle John Ward's Electric Seance. Et ils avaient lancé l'année dernière un démo de deux chansons sous un autre nom. Ça s'appelait à l'époque Small Teeth. C'était un peu plus rock garage que ce que vous avez entendu. Et là, donc, ils ont mis la fin à ce projet-là, Small Teeth, pour revenir à ce qu'on m'a expliqué, au son qu'ils avaient à leur début. Et se rebaptiser en même temps John Ward's Electric Seance. Et c'est un groupe composé de trois gars de Montréal, Bobby Lehoux, Patrick McDowell et Malcolm Rempel. Et donc un rock un peu plus garage pour ce projet-là qui est vraiment à suivre. Il semblerait qu'ils vont sortir un premier EP de 4 ou 5 chansons en mars prochain. On va sûrement en réentendre ici à l'émission. On va continuer toujours sur la scène montréalaise avec un autre groupe qui a changé de nom récemment. Il s'appelait auparavant Intensive Care et maintenant il s'appelle Wake Island. Ils seront le 16 février à la Casa del Popolo sur Saint-Laurent. Voici I Like It de Wake Island à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant sur les ondes de CISM 89.3. De leur album New Moon qui sortira le 5 mars prochain, c'était The Man avec Electric, qui est le premier extrait de cet album-là. Et on continue tout de suite en musique, ça sera vraiment pas long, seulement 2 chansons, 4 minutes de temps. Et on se retrouve tout de suite après pour le mot de la fin. Vous allez entendre dans les prochaines minutes les Blue Jeans avec Dans le Radio. Et ce sera suivi de Cold Warps avec I'm With You. C'était Endless Bummer de la formation canadienne Cold Warps et qui n'ont pas terminé encore la chanson Les Petites Vagues des Oiseaux. Restez à l'écoute dans quelques instants, ce sera Zika Mendes et son émission La Mayfair qui va se suivre l'émission qui joue actuellement, qui est le Terminus. Si vous voulez la réécouter justement cette émission de ce soir, c'est sur le CISM893.ca. Il y aura également la liste des chansons qui auront joué dans la dernière heure, dans quelques minutes, et aussi archives de l'émission leterminus.ca. On se quitte avec le classique de la semaine, c'est cette semaine Modest Mouse de leur album sorti en 1997, The Lonesome Crowded West. Ça sera la chanson Cowboy Dan de Modest Mouse. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Ciao!